culturer, contaminer, couper, culpabiliser, découper, désassembler, dicter, désinformer, entrer, éjecter, éructer, influencer, manipuler, mélanger, pactiser, pacter, polluer, ramâcher, recouvrir, répéter, rester, boucourer, santé, mais surtout, 1 000 milliards de 1 000 sabots de clofenam, imprimez-moi ces foutus traités.